On est vendredi 5, la saison de baseball est commencée depuis hier et on va faire nos prédictions avec notre ami Bruno Boudreau. Salut Bruno! Salut Dan, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Bruno, les Blue Jays étaient en action cette semaine au Parc Olympique. Oui. J'en ai parlé avec Frédéric Daigle la semaine et Jean-Luc Legendre qui était là. Moi, j'aimerais savoir comment t'as trouvé ça? 50 000 personnes pour deux matchs, à peu près 51 000. Là. Comment t'as trouvé ça? Ben écoute, j'adhère pas mal dans le sens que tout le monde va en ce moment. Là. Je pense que c'était l'attente qu'on avait, là, à peu près 25 000 par soir. Puis on se souvient, puis on faut toujours se le rappeler, la première année que les Blue Jays sont venus à Montréal, hein, le président des Blue Jays, Paul Biston, avait dit « Si on a 50 000 personnes pour les deux matchs, ça va être une réussite. » Et finalement, on avait attiré tout près de 100 000 personnes. J'étais là cette première année-là. Je m'étais déplacé pour aller voir un match contre les Mets de New York. Et je sens pas que l'engouement a nécessairement diminué avec les années. Mais ce que je pense, c'est que cette année, évidemment, en raison d'un match présenté un lundi puis un mardi, c'est sûr que ça a un petit peu moins de pouvoir d'attraction. Mais en même temps, je regardais, Dan, les matchs qui étaient présentés. Il y a certains matchs là, qui étaient présentés cette semaine dans des stades, entre autres du côté de Los Angeles. Il y a eu une petite série là, de deux matchs entre les Angels et les Dodgers là, dans leur dernier match préparatoire. Et on avait des stades à peu près à moitié remplis qui étaient là. Même chose du côté d'Atlanta qui accueillait les Yankees. Donc, même pour les marchés déjà établis, là, c'est des foules de 20, 22 000 maximum qu'on voit pour ces matchs hors concours-là. Donc, 25 000 à Montréal, là, je trouve ça excellent compte tenu là, de ce qu'on avait comme spectacle sur le terrain. Il y avait, écoute, Frédéric Daigle, mercredi, me disait qu'au Tropicana Canafield, il y avait 5 000 personnes pendant qu'au Stade Olympique, il y avait 25 000 personnes. Ben, c'est ça. Fait que, fond, le message est bon. C'est ceux qui s'inquiètent que ça peut envoyer un moins bon message au baseball majeur. Je pense que ce dossier-là est rendu à une autre étape que qui vient voir les matchs hors concours. Si tu veux aller les voir, tant mieux, puis tu permets d'assister au baseball, mais la démonstration a déjà été faite à un autre niveau par rapport à ce dossier-là. OK. Vladimir Guerrero, hein? J'en ai parlé, moi, écoute, moi je le suis depuis l'année passée. Là. Les gens comme ben, tu me vois passer ces médias, moi à tous les matchs, je dis quasiment son qu'est-ce qu'il a fait. Lui, il est beau béchette. Sauf que là, les gens le découvrent. Là. Ça, écoute, ça va tout être frappant. Par contre, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est son physique. Le gars, il a 18 ans. Là. Il est très jeune encore. Il va falloir qu'à 20, mais qu'il arrive 29-30 ans, j'ai l'impression qu'il va être assez gros. Est-ce que je me trompe en disant ça? Ben c'est dur à prédire. C'est sûr que je voyais des comparaisons hier. Les gens disaient à ce rythme-là, il va ressembler peut-être plus à Prince Fielder qu'à Vladimir à la fin 20e. Prince Fielder, ça n'a pas commencé. Ça n'a pas fini. Ça n'a pas bien fini, là. Puis non, mais c'est ça. C'est la même affaire, là. Oui, mais ben, en même temps, d'un autre côté, c'est sûr qu'il a juste 18 ans. Fait que ça a le temps encore de changer au niveau de sa morphologie. Donc, on va voir comment ça va aller. Mais c'est sûr que pour une position le plus athlétique, ça pourrait devenir un élément là, qui pourrait jouer à sa défaveur. Mais ça reste quand même un joueur relativement athlétique. Malgré son physique, on l'a vu, il court quand même bien les buts, excellent avec son regard défensif aussi. Donc, j'ai pas particulièrement d'inquiétude de ce côté-là, mais c'est certain que ça laisse peut-être présager un changement de position éventuel si jamais moi, ça se résorbe pas. Là. Je le vois comme voltigeur éventuellement. Puis, moi, je le vois... Écoute, je parlais avec Jacques Doucet au camp d'entraînement qui était là-bas dans Eden, puis lui avait parlé avec Philippe Allou, puis Philippe, il dit « Moi, je le vois comme un voltigeur. » Ouais, ben ça la logique pour la suite pourrait être là, genre dans la gauche, tout ça ouais, pourrait être exactement. Éventuellement un spot pour lui. Exactement. Bon, on va y aller avec nos prédictions. Tu voulais parler des Jays avant tout, avant d'y aller des prédictions. Les Jays, c'est que ça te dit, toi. Moi, écoute, ils sont dans une vision très forte. J'ai pas été convaincu encore des gestes de Ross Haskins. Je suis pas convaincu encore de ce directeur général-là. Il semble pas réveillé. Écoute, quand t'as Luke Maley comme deuxième receveur, puis Luke Maley, là, à quelque part, là, c'est pas fort. Puis on l'avait dit depuis le début, les observateurs disaient tout le temps la même affaire. Ça va nous prendre un deuxième receveur l'an prochain parce que Russell pourra pas jouer 120-125 matchs. Ouais. Fait que ça te donne une idée un peu de comment le gérant, là. Parce qu'il me semble, le directeur général, il me semble qu'un bon deuxième receveur, c'est quand même assez facile à trouver, là. Ouais, puis tu sais, je regardais d'ailleurs, il y a un modèle là, de prédiction qui existe sur le site de ESPN que je consultais un peu ce matin, puis je regardais un petit peu aussi différentes prédictions, puis j'essaie de me faire une tête là-dessus. Puis quand je reviens au Blue Jays, je regardais le modèle, là. Toutes les saisons, ou presque, là, ça les met avec une différence de points pour, points contre, à peu près de zéro. Puis une fiche toujours entre 80 et 82 victoires. Donc, 81-81, 80-82, 82-80. Ben, c'est exactement là que je vois les Blue Jays. C'est une équipe qui va avoir des bons moments, une équipe qui va avoir des difficultés par moment parce qu'il y aura peut-être des blessures. C'est une équipe qui est très prédisposée aux blessures. Il y a beaucoup de si dans le fond. Pour que les Blue Jays aillent loin dans la saison puis se rendent en série, bien, il y a beaucoup de si. Bien, c'est si Stroman et Sanchez sont en santé, d'un gars comme Tulowitzki est capable de revenir à un bon niveau de jeu, si Russell est capable d'être derrière le mar, peut-être moins de 125 matchs. Puis la liste de si, elle s'allonge beaucoup. Puis il n'y a pas beaucoup de profondeur non plus pour les blessures ou autres que tu vois par contre plus présent du côté, par exemple, des Yankees puis des Red Sox. Je pense qu'au moins, les Blue Jays n'auront peut-être pas un début aussi catastrophique que l'an passé. On se rappelle, ça a été vraiment compliqué au début de l'année, l'année passée, là, avec le mois d'avril horrible. Ils n'ont jamais été capables de s'en remettre. Ils vont peut-être être plus longtemps dans la course. Mais je pense qu'une prédiction là, entre 80 et 82 victoires, c'est vraiment ça. C'est un club qui cherche puis qui va finir en un club de 500 qui va finir en milieu de peloton. C'est carrément comme ça que je les vois. Ça me surprendrait énormément que ça soit plus que ça cette année, malgré que j'aime bien les suivre. J'abonde dans le même sens que Mark Griffin. Mark qui me disait la semaine passée, j'espère que ça y aille, soit que ça y aille bien mal ou que ça y aille très bien. Parce que si ça va bien mal, à quelque part, Donaldson, on va penser changer Donaldson. Si ça va très bien, on va penser se renforcer. Et écoute, les billets de saison à Toronto actuellement, là, une baisse, je sais pas si t'as vu ça passer par Jérémy Filosa, une grosse baisse là, des billets de saison. C'est pas très. Je pense que Vladimir Guerrero et Bo Bichette s'en viennent parce que c'est pas très encourageant. Là. Ben c'est sûr qu'il y a une période de transition, Dan, puis ça va peut-être. Tu sais, il y en a qui ont sauté dans le train quand l'équipe était vraiment très très bonne. Est-ce qu'eux vont débarquer? Je pense que la masse quand même de partisans de baseball continue à appuyer les Blue Jays, puis ils vont avoir des bonnes foules. Mais c'est sûr qu'il y a peut-être une période, là, justement, puis je suis un peu d'accord avec Marc, s'il n'y a pas de tout ou rien, ben on va peut-être être dans une zone tampon en plein milieu, puis en plein milieu, ben ça va rester en plein milieu pour l'année prochaine, puis ça va continuer à descendre graduellement. Fait qu'il y a peut-être une zone de transition qui va s'installer aussi avant l'arrivée de gars comme Vladimir ou Bichette. OK, donc on va y aller avec Sporting News et Atom Baseball. Donc, écoute, pas de surprise, on va commencer avec l'Est américaine. Parce que c'est l'Est qu'on surveille de très, très près. Les Yankees, premier, pas vraiment de surprise, qui peut aller contre les Yankees? Moi, ce que j'ai hâte de voir, par contre, c'est, t'sais, ça prend un gérant pour gérer tout ça, là, t'sais, il va y avoir des gros égos dans le Big Apple, là. Est-ce que Aaron Boone, qui est un gérant recru, va être capable de bien gérer tout ça dans la grosse pomme? C'est la seule question que je pose, puisque le talent est là, c'est incroyable, quand t'as Stanton puis George, il va avoir beaucoup de circuits, mais beaucoup de retraits sur trois prises. Donc, Atom Baseball le prédise les Yankees, Red Sox, les Jays, Baltimore et Tampa Bay. Même chose pour Sporting News. C'est d'accord avec ça? Oui, en fait, l'élément par rapport aux Yankees, je suis 100% d'accord avec toi. Là, Aaron Boone, en fait, il y a deux gérants recrues. Les Red Sox aussi, c'est un gérant recrue avec Alex Cora, mais lui, il est sur le banc depuis quelques saisons, entre autres avec les Astros en passé qui ont tout gagné. C'est sûr que Joe Girardi ont peut-être s'en ennuyer par moment du côté des Yankees, mais talent pour talent, quand tu regardes les deux équipes, c'est sûr que les Yankees sont avantagés. Puis ils ont aussi, qu'on le veuille ou non, ils ont une superbe relève qui s'en vient aussi. Dans leur réseau de filiales, ils sont très, très garnis. Donc, ils sont beaucoup mieux outillés que les Red Sox pour faire un autre gros coup au besoin. Puis quand on regarde, je regardais les masses salariales avant le début de l'année, là, les Yankees sont septième plus grosse masse salariale, puis les Red Sox sont loin devant premier. Et ça donne encore de la flexibilité encore plus. Donc, non seulement je pense que les Yankees, pour commencer l'année, ont une meilleure équipe que les Red Sox, mais ils ont plus de flexibilité aussi pour s'améliorer. Fait que je pense que les Red Sox vont faire les séries assurément comme meilleur deuxième à mon point de vue, mais les Yankees vont gagner cette division-là. Okay. Dans Central, on y va avec... C'est Athlon Sports qui prédisent les Indiens Cleveland, les Twins du Minnesota, les Royals de Kansas City, les White Sox de Chicago, les Tigers de Détroit. Tandis que Sporting News, j'ai un petit changement avec Sporting News. Eux prédisent les Indiens, les Twins, les White Sox, les Royals et les Tigers. Oui, en fait, les Indiens, je pense que c'est clair pour tout le monde. Là, plusieurs prédictions, j'ai vu les places avec le plus de victoires, là, non seulement dans la Ligue américaine, mais probablement même dans le baseball majeur. Là, donc, c'est une équipe qui pourrait facilement gagner 100 matchs cette année. Il n'y a pas de doute pour moi que cette équipe-là est complète et prête pour faire un autre bout de chemin. Par contre, j'aime bien la prédiction que tu as dit où les White Sox sont placés un peu plus haut. En fait, les White Sox, c'est une des équipes à surveiller. C'est une équipe jeune, c'est une équipe bourrée de talent qui ont fait plusieurs échanges. Ils ont été chercher plusieurs jeunes à gauche et à droite. Ils ont bien repêché. Fait que c'est une équipe qui est vraiment en progression. Fait que peut-être qu'ils finiront pas troisième, peut-être qu'ils vont plus finir dernier parce que finalement, ça va vraiment mal aller avec les jeunes. mais c'est une équipe qui, dans 2-3 ans, va revenir au sommet de cette division-là, les White Sox. Il faut les regarder aller. Donc, pour les gens qui s'intéressent un peu aux joueurs d'avenir, là, les White Sox, c'est une belle équipe à surveiller cette saison. OK. Donc, on va y aller maintenant avec la centrale qui va avec les Astros et Houston au premier rang. Pas la centrale, c'est l'Ouest, excuse-moi. Les Astros premier, les Angels deuxième, les Mariners de Seattle troisième, Oakland quatrième et les Rangers de Texas cinquième. Pour les gens qui se posent la question, Otani, quand est-ce que ça va être son premier départ? Il va lancer dimanche contre les A's d'Oakland. On a annoncé ça mercredi. Donc, tandis que l'autre, c'est Atlanta Baseball. Eux autres, ils vont avec Atlanta, ils vont avec Houston, les Angels, les Mariners, les Rangers et Oakland. Donc, tu vois, ça ressemble pas mal. Donc, les deux revues spécialisées, ça ressemble pas mal là-dedans. Ouais, ben en fait, ça change un peu sur le bas de la division. Est-ce que Oakland, avec les jeunes, va une autre équipe intéressante à surveiller, les A's, est-ce qu'ils vont faire un pas en avant avec le bon bassin de jeunes qu'ils ont? Ça va être intéressant à surveiller, une équipe que j'aime bien, les A's d'Oakland. Du côté de la division Ouest, je te dirais, écoute, les Astros sont tout seuls, même si les gens pensent que les Angels sont plus proches. Là. Mais les Angels vont être une équipe intéressante à surveiller. Oui, il y a Otani, mais il y a aussi Mike Trout. Combien d'années on va gaspiller le talent de probablement le meilleur joueur de baseball de la planète actuellement? Puis en même temps, est-ce que si ça fonctionne pas avec Otani puis tout ça, est-ce qu'on va tenter de changer des choses du côté des Angels? Puis ça pourrait bien passer avec le départ de Mike Scioscia. Ça fait longtemps qu'il est là, Mike Scioscia. Je sais pas que cette année ça passe ou ça casse, mais ça se pourrait fort bien que ça soit cool. Je le voyais à Boston, moi, imagine-toi donc, avec les Red Sox. Parce que je me disais que Scioscia, pour les deux, ça aurait été bien quand même d'avoir un changement de décor, mais ça a l'air que c'est pas le cas. Maintenant, donc, j'ai hâte de voir Otani, parce qu'Otani, écoute, j'écoutais François Paquette à l'émission L'avant-match au FM 93, il avait entendu dire que, comme frappeur, Otani, là, faut pas partir en peur, là, c'est un joueur qui est de calibre A comme frappeur. Ouais. François Paquette, écoute, là, les gens qui se posent la question, est-ce qu'on va le voir comme frappeur de choix, j'ai l'impression qu'on le verra pas bien comme frappeur de choix. Ça ben, c'est Albert Pujols, t'sais. Ben, c'est ça, c'est l'impression qu'il a donné jusqu'à maintenant, honnêtement. Ouais. Puis on savait qu'il y avait de la puissance, puis il y en a de la puissance. Avoir de la puissance, c'est pas trop un problème dans son cas, mais c'est plus la reconnaissance de lancer. T'sais, il y a de la maturation à prendre, puis il y a surtout une adaptation à la qualité de lanceur nord-américain qui avait peut-être un petit peu moins au niveau du Japon. Puis c'est là que puis j'étais bien d'accord avec ce que François Paquette a amené là-dessus. C'est que ce qu'on a regardé en termes de recruteurs, eux autres qui ont dit, c'est qu'ils remarquent du talent vraiment plus d'un niveau A fort ou de A fait pour l'instant. Ça veut pas dire qu'il peut pas s'adapter, mais pour l'instant, c'est ça qu'il a présenté dans sa façon d'approche puis dans la façon qu'il s'est comporté dans le cadre d'entraînement au bâton. OK. Donc, on va y aller maintenant dans National. Est-ce que tu étais prêt pour la Nationale aussi? Oui. OK, National. Oui, allons-y. Tandis qu'à Atlanta, c'est Sporting News. Sporting News, ils vont avec les Nationals de Washington au premier rang. Les Braves d'Atlanta, quelle belle équipe, les Braves d'Atlanta, je vous le dis tout de suite, là. Alex Antopoulos est arrivé dans le bon temps. Les Mets de New York au troisième rang. Les Phillies au quatrième rang. Les Marlins de la Floride au cinquième rang. Pas de surprise là-dessus. Tandis que ce que Atlanta Sports, eux, prédisent, les Nationals, les Mets, les Phillies, les Braves et les Marlins. Donc, on voit une différence entre Atlanta et Sporting News. Moi, les Braves d'Atlanta, là, je te le dis, là, il y a eu une époque où les Chipper Jones, les Andrew Jones, Tom Glavin, Steve Avery, John Schmoltz arrivaient, et je pense qu'on va vivre ça à Atlanta cette année. Je suis vraiment d'accord avec ton point par rapport aux Braves, puis quand tu regardes les prédictions, là, ben, t'sais, les Nationals sont tout seuls, les Marlins, ils ont vidé le club. Puis les trois autres équipes, t'as les Mets qui ont des vétérans puis que tu sais ils sont pas si loin de revenir aussi bons qu'ils étaient il y a 2-3 ans quand ils sont allés en série mondiale, mais qui en même temps ont peut-être pas aussi de punch puis les lanceurs sont peut-être pas aussi bons qu'on pensait qu'ils allaient être. Puis après ça, ben t'as les Braves oui qui ont une super belle équipe. Puis t'as les Phillies aussi. Les Phillies c'est une équipe qui est vraiment en progression, une équipe de jeunes. Fait ça va être vraiment intéressant à surveiller. Pas tant pour la course, les Nationals vont être tout seuls dans cette division là. Mais les Phillies et les Braves, c'est deux équipes qui sont vraiment à surveiller pour sensiblement les mêmes raisons. Ils ont plusieurs jeunes qui poussent. Il y a eu des changements majeurs qui ont été apportés aux organisations. Puis la présence d'Antopoulos sera assez intéressante du côté des Braves. Puis du côté des Phillies, ben, ils ont signé Jake Arrieta, ils ont Aaron Nola, ils ont des bons jeunes lanceurs, ils ont des jeunes frappeurs qui se développent. Fait que c'est deux équipes vraiment intéressantes à surveiller. Ils se battront pas pour le championnat, mais c'est deux équipes à surveiller. Puis Atlanta, ça pourrait être la base d'une équipe qui serait solide pour un 6, 7, 8 ans dans le nouveau stade. C'est la même époque que Chipper Jones, Andrew Jones, quand ils sont arrivés, ils vont jumeler ça avec quelques vétérans. Moi, je verrais bien un Clayton Kershaw l'an prochain avec les Braves. C'est drôle, hein? Comme Greg Maddux, ils vont arriver à une autre époque. La centrale, maintenant. La centrale, Atlanta Sports, pas les Cubs, les Cardinals, les Brewers de Milwaukee, les Pirates de Pittsburgh et les Reds de Cincinnati. Et du côté de Sporting News, on prédit les Cubs, les Cards, les Brewers de Milwaukee, les Pirates et également les Reds de Cincinnati. Les Pirates, écoute, on a parlé beaucoup des Marlins, on a parlé beaucoup des Rays, mais les Pirates, là, j'ai l'impression qu'ils ont vidé leur âme en échangeant Lou McCutchen à San Francisco. Oui, ils ont fini le virage aussi. C'est pas le seul qui est parti. Là, Garrett Cole est rendu du côté des Astros de Houston. Ils ont vraiment viré de bord, puis ils vont recommencer à reconstruire comme ils font depuis une vingtaine d'années. Ils ont eu une petite période de succès qui, malheureusement, ne les a pas emmenés vers un championnat. Dans le cas de la centrale, les Cubs en premier, pour moi, c'est un choix qui est tout à fait logique. Là, c'est une équipe qui va encore une fois, là, probablement, être en finale de la Ligue pour une quatrième année de suite. Les Cards et Brewers, ça va être une bonne course. Les Brewers, c'est une belle équipe aussi à surveiller. Encore là, plusieurs jeunes. C'est une équipe qui est allée chercher des vétérans, quelques bonnes transactions. Moi, c'est une équipe que je trouve très intéressante. C'est trois clubs le fun à voir. C'est des beaux matchs là, quand les Cubs, les Cardinals et les Brewers entre les trois s'affrontent. Là. Puis du côté des Reds, ben c'est l'équipe que le Sporting News, on se souvient, les Astros, ils avaient dit il y a 4 ans que les Astros allaient gagner la Série mondiale. Et ils ont eu raison. Et ils ont osé la même prédiction avec les Reds. C'est une équipe qui est bourrée de jeunes talents. Peut-être pas encore pour cette année ni l'an prochain un avancement de leur côté. Mais en 2020, 2021, 2022, il y a quelque chose qui s'en vient d'intéressant pour les Reds. Espérer pour eux qu'un gars comme Joey Votto va être encore efficace à ce moment-là parce qu'il devrait pour une fois être vraiment bien entouré d'un groupe de jeunes là, qui poussent. Mais Votto doit être rendu à quoi? Il va être rendu à quoi? 33, 34 ans à ce temps-là? Fait que, tu sais, Votto commence à l'encourser, mais quoi que c'est quand même possible. L'Ouest de la Nationale, les Dodgers premiers. Les Diamondbacks de l'Arizona, deuxième. On prédit les Rockies du Colorado, troisième rang. Les Giants de San Francisco, quatrième rang. Et les Padres de San Diego, cinquième rang. Tandis que Sporting News, eux, ils vont avec les Dodgers, premier. L'Arizona, deuxième. Les Rockies, troisième. Les San Francisco, qui sont allés. Mais là, Madison Bumgarner, sa blessure, ça va changer bien des affaires. Les Padres de San Diego sont au cinquième rang. Oui, puis les Giants, c'est quoi, c'est une équipe qui est vieillissante. Ils ont tenté le grand coup avec McCutchen, avec l'acquisition aussi d'Evan Longoria en provenance des Rays. C'est une division qui est rendue quand même relativement forte. Moi, l'équipe qui est à surveiller, bien sûr, les Dodgers, je pense qu'ils vont gagner le championnat de la division. Pour moi, il n'y a pas de doute. Mais l'équipe qui est à surveiller, c'est les Rockies. Les Rockies, là, je les ai vus autant classés comme meilleur deuxième dans certaines prédictions, autant classés qu'une saison difficile. Ils ont vraiment revampé au complet leur enclos de relève. Là, plus de 100 millions de dollars en contrat donnés à leur releveur, entre autres chapeauté par Wade Davis, qui va s'emmener de ce côté-là. C'est une équipe qui marque des points. Ils ont de super bons frappeurs, puis ils ont des lanceurs qui sont habitués de lancer au Colorado. Fait que c'est une équipe qui peut très bien jouer entre un 75 victoires puis un 90-91 victoires. Ça va dépendre un peu comment les choses vont se diriger, mais c'est une équipe qui va être intéressante à surveiller parce que je pense qu'ils ont une grosse marge entre du succès puis de l'insuccès. Mais c'est encore une fois les Dodgers. Écoute, une équipe complète sort de la Série mondiale. J'ai hâte de voir si l'histoire de Clayton Kershaw, ça peut déconcentrer le club, par exemple. Lui, il joue autonome à la fin de l'année. C'est comme Bryce Harper à Washington. J'ai hâte de voir aussi parce que je m'en viens avec ce que Sporting News prédit pour la Série mondiale. C'est deux cas qui pourraient déranger le club. Là. Ben, surtout Bryce Harper. Ouais. Parce que dans le cas d'Harper, tout pointe de plus en plus que ça devienne peut-être le premier joueur à avoir un contrat de 400 millions. On n'est pas certain que les Nationals vont aller jusque-là. Dans le cas des Dodgers, c'est un club qui a des ressources à peu près illimitées, infinies, fait qu'ils vont donner à Kershaw ce qu'il veut. Là. Moi, j'ai pas d'inquiétude que si Kershaw va rester à Los Angeles, il va continuer de jouer là. C'est pas mal plus Harper qui pourrait venir être dérangeant, puis c'est encore plus de pression, parce que les Nationals, c'est l'équipe qui a vraiment le plus déçu de la dernière décennie. Une aussi bonne équipe à aller jamais loin en série. On le dit tout le temps, ces anciens expos, faut pas être surpris de ça. Mais dans les deux, je dirais que les Nationals restent peut-être d'être les plus dérangés par le dossier cette année. Bon, ça fait pas mal le tour, Bruno. C'est pas mal intéressant. On va se parler à tous les 15 jours comme tu l'as fait. Fait que c'est pas mal intéressant encore de t'avoir cette année. Fait que j'ai hâte de voir l'actualité dans le monde du sport. Donc en fin de semaine, ce qu'il faut surveiller, c'est les Yankees qui sont à Toronto et Otani qui va lancer son premier match dimanche contre les Oakland. Puis profitez-en parce que LMB X-Training est débrouillé pour la première semaine. Donc, vous allez avoir droit à tous les matchs de baseball. Oui, vraiment. Puis avant de terminer, Dan, ça va être un plaisir cette année de continuer à collaborer avec toi. Puis je me lance avec une prédiction de série mondiale. Oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. rapidement, Astros contre Cubs. Donc, les Cubs de retour en série mondiale, puis choisis les Astros. Je regardais ça de tous les angles depuis deux semaines. Je suis pas capable de voir une équipe battre les Astros en série. Ah. J'ai choisi pour gagner encore. Écoute, dans les autres Sporting News, ils prédisent les Astros contre les Nationals. Bon, fait que... J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Bruno, gros merci. On s'en reparle. Joyeuse Pâques, puis on s'en reparle dans deux semaines. Merci, Dan. Le collaborateur Bruno Boutron.